Non, Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? mais... je pète les plombs, Quoi, les gars, on a un album à finir là-haut. Arrête, oh. Tu sais, depuis quand on est là? Tous les jours, on se voit tous les jours. 24, oh, marre H24. Wow. Arrête, c'est un peu de on bon, est arrête. Fatigué, on fait une pause. On fait une pause. Tout ce qu'il y a dans le cerveau, il y en a trop. Frère, tu les sens les 12-13 ans de rap. Attends, frère. C'est normal, le taf, mon frère. Regarde, ça y est, toi tu as enchaîné ton album, je là tu es là. Je suis défait, y a plus rien. Ma plume est là-dedans. Je suis fracassé. Non, mais le pire. On a besoin de bouger, Vince. Entre là, la maison, les potes. Non, mais y a pas. Franchement, c'est vrai. On dirait que tu as l'impression qu'il n'y a pas assez de temps. Exactement. 24 heures, c'est pas suffisant. Exactement. Voilà, il faut qu'on bouge un peu. Ça y est. Normalement, c'est. Ah, qu'on prenne de l'âge, c'est pas ça que tu dis. On prend de l'âge, 12-13 ans de rap, tu vois ce que je veux te dire et vous m'en donnez. Mais bon, ouais, sors de ton album. Sors de ton album, tu es quand même là. Sia, écoute-moi, Sia. On n'a pas le temps, les gars. Ah, vas-y, non. Faut qu'on se pose un peu. Attends, s'il vous plaît, les gars. Moi, j'en peux plus, je le cacher. Confiance ou pas? Mais le Gary! Vas-y, démarre! Vas-y, lui il est parti. Je sais pas où il est allé. Mon dieu! Tu crois que je suis intermittent? Non, c'est vrai. C'est pas question d'intermittence, faut bouger. Franchement, c'est quoi? Faut bouger! Sia! Bon, tu nous appelles sur le portable, s'il y a un problème, tu dis à Barclay, ciao! Vas-y, attends!